Chapitre 8e. Après son dîner solitaire, servi dans la vaisselle plate aux armes séculaires des Stanitsky et soigné par un chef de cuisine désireux de se faire garder par le nouveau maître, Xavier sortit pour faire un tour dans le parterre. La soirée était magnifique. Un léger croissant de lune se montrait au bas du ciel clair, dans les splendeurs encore mal éteintes du soleil couchant. Le jeune homme eut donné gros pour avoir près de lui un ami, un confident, à qui révéler le monde de pensées nouvelles qui s'agitaient confusément en lui. Mais il était seul, absolument seul. Lui non plus ne devait pas songer à quitter Bella avant l'expiration du deuil de 40 jours. Soudain, il pensa aux deux femmes qu'il avait visitées le matin. « Si j'allais leur demander une tasse de thé, se dit-il, entre voisins, cela peut se faire. » Il prit le chemin de leur maisonnette, mais arrivé à la porte du jardin, il n'osa aller plus loin, et retournant sur ses pas, il reprit sous les mêlées sa promenade solitaire. Le lendemain, c'était un dimanche. Il se rendit à l'église avec une ponctualité vraiment étonnante, et ses vassaux en conçurent la pensée qu'il avait un maître comme l'ancien, attentif aux choses de la religion. Mais Xavier ne se souciait guère de la façon dont se chantait l'office. Il attendait deux voiles de crêpe qui apparurent aux environs de l'évangile. Au moment où Thécla rejetait son voile en arrière, Xavier éprouva dans son cœur un mouvement si extraordinaire qu'il en resta stupéfait. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » pensa-t-il, presque effrayé. Les yeux bleus de la jeune fille l'effleurèrent sans se poser, et il se sentit inondé de joie. « J'en suis amoureux !» fut sa conclusion aussi prompte que logique. Ayant fait ses classes, il connaissait déjà ce genre d'émotion, mais il n'avait jamais rien éprouvé de si violent ni de si doux. Vainement, il chercha à rencontrer une seconde fois les yeux qui lui avaient donné une commotion si bizarre. Il n'y put réussir, aussi la messe lui parut-elle longue. Vers la fin de l'après-midi, il se hasarda à faire une petite visite d'un Menzel, et il fut reçu. Son premier trouble surmonté, il était redevenu lui-même, c'est-à-dire bon enfant et gai, autant que le permettaient les crêpes dont il était entouré. « Vous jouez du piano, mademoiselle, m'a-t-on dit, » fit-il après que la conversation, soigneusement alimentée par lui cependant, fut tombée pour la seconde fois. « J'en jouais, » répondit-elle, « mais je ne vois pas votre instrument. Il est resté au château. C'est au château que j'en jouais pour distraire le feu comte. » « Je vais vous le faire envoyer, » allait dire Xavier, mais il se retint. Un plan machiavélique venait de se former dans son esprit et le piano lui serait un auxiliaire précieux. « J'adore la musique, » dit-il posément. « Dès que les premiers 9 jours seront expirés, vous me permettrez bien de vous entendre. D'ailleurs, une plus longue oisiveté serait préjudiciable à la souplesse de votre doigté. » Il fut d'une prudence étonnante, ne disant que des paroles sensées, s'adressant principalement à Marthe et faisant preuve d'un précoce discernement dans les choses de la vie. Avec cela, si visiblement jeune et ingénu malgré tous ses efforts pour paraître sage, que Marthe se sentit désarmée. C'était un enfant. Malgré sa fine moustache et son air mâle, la candeur de cette âme neuve se faisait jour sous la sagesse empruntée. Au bout d'une heure, elle laissa les jeunes gens causer ensemble et se contenta de les regarder assises dans le coin du canapé. Ils ne se disaient rien d'important et cependant, un homme expert aux aventures du cœur eut deviné sur le champ qu'ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils s'étaient adorés à première vue et c'était bien simple. Elle n'avait jamais vu de si beau cavalier. Lui n'avait jamais rencontré charme ni beauté pareille. Avec ses yeux très bleus, ses cheveux très noirs et son teint nacré, elle idéalisait encore l'idéal de la polonaise, si jolie, quand elle est jolie, qu'elle semble un être plus chimérique que réel. Et par hasard, elle avait une âme délicieuse pleine de candeur et d'ignorance. Elle avait vécu entre son vieux père, qu'elle aimait et craignait, car quoiqu'il fût son père, il était surtout le seigneur comte, et sa mère, pauvre bonne créature à la fois imbue de l'idée de sa déchéance, et fière d'avoir inspiré au seigneur comte assez de tendresse pour lui faire appeler ma fille l'enfant qu'elle lui avait donné. Thécla avait appris, toute petite, on ne sait comment, dans quelles conditions elle était née, et elle n'y avait rien compris, acceptant le fait accompli comme un mystère de plus dans la vie. Or, pour les enfants, tout est mystère. Peu curieuse de ce qui lui était interdit, la jeune fille savait que sa naissance était irrégulière et en même temps elle adorait sa mère, qu'elle vénérait à l'égal d'une sainte. Cette créature douce et charmante ne demandait qu'à aimer. Au milieu de ses larmes, Xavier lui était apparu et dans sa pensée, elle l'avait comparé tout bas, tantôt à l'archange Michel, tantôt à Saint-Georges, vainqueur du dragon. Il était pour elle un personnage de légende, elle l'avait adoré. Assis loin l'un de l'autre, ils se parlaient de choses banales, et leurs âmes tressaillaient de joie à chaque mot sorti de leurs lèvres. Les 9 jours passés au sein des cérémonies funèbres, où ils se rencontraient à chaque instant, Xavier alla, un beau matin, trouver ses amis, car ils étaient grands amis désormais, dans leur étroite maisonnette. Thécla lui sourit en l'apercevant, car la vue l'un de l'autre amenait irrésistiblement le sourire sur leur visage. « Je suis venu vous chercher, » dit-il. « Allons jouer du piano. » Elle le suivit, prévenant sa mère d'un mot. Il traversa la pelouse et entrait dans le château, endormi comme écrasé sous la chaleur du jour. Le teint transparent de la jeune fille s'était un peu rosé sous l'ardente morsure du soleil. Mais la fraîcheur des grands appartements ramena bientôt à ses joues leur fraîcheur délicate. Passant devant elle, il ouvrit le grand piano devant lequel elle s'assit avec l'émotion d'une débutante à son premier concert, et soudain, sans regarder le jeune homme, les yeux à demi-clos comme dans un rêve, elle attaqua la sonata passionata, celle où Beethoven a mis le plus de cris de son âme. Sa mère s'assit d'abord près du piano, les yeux baissés, mais bientôt les sons connus amenèrent un cortège impitoyable de souvenirs. Les larmes montèrent aux yeux de la pauvre femme et tombèrent sur le crêpe de sa robe. Honteuse de ses pleurs, devant des jeunes êtres qui ne devaient pas connaître les douleurs secrètes de son âme, elle se leva. Puis reprenant une ancienne habitude, elle se mit à marcher lentement, d'un bout à l'autre des vastes pièces qui formaient en enfilade tous les salons du rez-de-chaussée. Le château s'étendait en une façade immense, et la promenade, aller-retour, ne durait guère moins d'un quart d'heure. Thécla jouait, mettant dans les notes passionnées qu'elle faisait vibrer de tout ce que sa jeune âme ressentait depuis quelques jours de fièvre délicieuse et d'émotions divines. Quand elle frappa le dernier accord, elle leva les yeux sur Xavier et il lut dans ce regard ingénu tout l'amour qu'il avait inspiré. « Ma belle Thécla, » lui dit-il tout bas, « mon ange, je vous adore. » Elle se détournait éperdue. Il lui prit la main et la posa contre ses lèvres brûlantes. Elle resta un instant immobile, puis voulut se lever, il la retint. « Jouez encore, » dit-il. « Jouez quelque chose d'heureux, comme vous et moi. » Elle obéit. Les chansons sans paroles se succédèrent sous ses doigts, pendant que sa mère marchait lentement d'un bout à l'autre des longues salles, évoquant les souvenirs de sa jeunesse, veuve sans lettres, étrangère désormais à cette demeure, qui était pourtant son seul asile. Les sons cessèrent, et Thécla vint à elle. Soudain la jeune fille s'était souvenue de ces marches interminables qu'accomplissait sa mère autrefois, pendant les sommeils entrecoupés du vieux comte. Il aimait à entendre la double musique des doigts légers de sa fille sur le piano, et les longues jupes traînantes de Marthe sur le parquet. Le froufrou de la robe s'unissait au son pour lui donner toute la saveur de la famille, toute la poésie du foyer. Passant silencieusement son bras sous celui de sa mère, dont les yeux débordaient de larmes, Thécla l'emmena comme on emmène un enfant. Elle avait honte d'être heureuse, la pauvre fille, pendant que sa mère menait le deuil de sa vie, et son regard s'était dérobé à celui de Xavier pendant qu'elle lui abandonnait sa main. Les deux femmes rentrèrent chez elles sans que le jeune comte osât les suivre.